Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et si vous venez de vous joindre à nous, eh bien nous sommes en pleine émission spéciale sur l'eau en compagnie de membres du Centre Eau, un centre de recherche sur l'eau. Donc je vous présente à nouveau rapidement qui sont nos invités. Peter Van Rolleghem, qui est professeur au département de génie civil et de génie des eaux et qui est directeur du Centre Eau. Elena Torfs, qui est la coordonnatrice du Centre Eau. Marie-Ève Jean, étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. John Molson, professeur au département de géologie et de génie géologique à l'Université Laval. Et Céline Vanicott, je ne me souviens jamais quand on prononce votre nom. Peter Van Rolleghem me l'a dit plusieurs fois, puis je n'arrive pas, je vais vous laisser le dire. Vanicott. Vanicott, voilà. Donc Céline Vanicott, professeure adjointe au département de génie chimique et également directrice de BioEngine, équipe de recherche sur l'ingénierie des procédés verts et des bioraffineries. Alors on va poursuivre l'émission sur l'eau de pluie et surtout en fait sur la gestion des eaux pluviales en ville. Et pour ça je me tourne vers Marie-Ève Jean, donc, qui est comme je viens de le dire doctorante en sciences de l'eau à l'INRS. Bonjour, rebonjour Marie-Ève. Oui, bonjour. Alors question de base. En fait, les eaux qui tombent en ville, elles sont collectées par les égouts. Et ensuite, elles s'en vont où, ces eaux? Oui, bien d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de réseaux qui collectent les eaux pluviales. Donc, les plus vieux réseaux, ceux qu'on retrouve normalement plus dans les centres-villes, les vieux quartiers, c'est des réseaux qu'on dit unitaires. Donc, ces réseaux-là, ils vont collecter l'eau pluviale, mais aussi l'eau sanitaire, donc l'eau des toilettes, etc., va aller dans la même conduite. Donc, toute cette eau-là va être amenée à l'usine de traitement des eaux usées avant son rejet dans un cours d'eau ou le fleuve, ou peu importe. On peut penser que c'est bon parce que l'eau pluviale, dans ce cas-là, est traitée. Par contre, ces réseaux-là ont été designés normalement pour surtout traiter le débit sanitaire. Donc, chaque fois qu'il pleut, tout dépendant de la capacité de l'usine, ça peut être pour des plus grosses pluies, des moyennes pluies, etc., il va avoir un surplus d'eau que l'usine ne sera pas capable de traiter. Les machines ne sont pas assez grosses, les installations ne sont pas suffisantes pour traiter tout le volume d'eau qui vient de la pluie. Exact, ouais, ça serait trop dispendieux de faire une usine pour traiter vraiment tous les cas possibles de pluie. Donc, cette eau-là, quand il y a beaucoup d'eau, ou par exemple pendant la fonte des neiges également, il y a un déversement qu'on appelle un déversement d'eau usée dans les cours d'eau et qui, évidemment, sont une source importante de pollution. L'autre type de réseau, qui est un réseau d'égouts séparé, un réseau de pluvial. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir deux conduites différentes, une pour le sanitaire et une pour l'eau pluviale. Donc, l'eau ne sera pas mélangée et cette eau-là va être acheminée directement dans le cours d'eau. Avant, il n'y avait pas de traitement. Donc, vraiment, les conduites étaient faites pour aller vers le milieu récepteur. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, évidemment, on a compris qu'envoyer de l'eau comme ça, par temps de pluie, à des endroits spécifiques avec un très gros débit, aussi certains polluants, comme vous avez mentionné tout à l'heure, les sels de voirie et autres. Donc, ça aussi, ça se ramasse dans les réseaux d'eau pluviale. Donc, maintenant, on essaie de faire un traitement qui, évidemment, ne sera pas une usine de traitement comme celle qu'on utilise pour l'eau sanitaire. Mais, par exemple, on va utiliser des bassins de rétention ou d'autres technologies similaires pour au moins réduire la quantité de contaminants, puis ralentir aussi le débit de l'eau avant son rejet. D'accord. Donc, on voit un peu mieux comment chemine l'eau. Et donc, quand on dit qu'on a un problème avec la gestion des eaux pluviales, c'est parce qu'on peut toute cette eau-là, finalement, arrive dans l'un ou l'autre de ces réseaux. Donc que ce soit par le réseau unitaire, donc ça va aller gonfler, exagérer ce volume d'eau qui va être traité dans la station d'épuration. Et sinon, ça va dans le réseau séparé, là, pluvial, mais pareil, on veut quand même limiter les quantités d'eau qui passent par là. Parce que de toute façon, j'imagine que même les systèmes de... Même s'il est minimal, le système de filtration ne peut pas prendre des volumes importants d'eau non plus. Oui, bien, en fait, on a ces systèmes-là parce que, évidemment, bien, c'est pour protéger les citoyens dans le sens que quand il pleut, ça génère des gros volumes parce que dans les villes, surtout, on a beaucoup imperméabilisé les surfaces. On a des bâtiments, des trottoirs, des rues, tout ça. Donc, si on n'acheminait pas l'eau nulle part, bien, tu sais, on aurait des inondations, des refoulements, bon, tout ça. Donc, c'est important d'amener cette eau-là à quelque part. Mais c'est ça, avec le temps, les politiques se sont améliorées justement parce qu'on s'est rendu compte que la vieille technique de juste gérer l'eau le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, ben ça a des conséquences environnementales. Donc, il faut vraiment essayer de penser à des technologies ou des techniques pour revenir un peu plus là un débit naturel, Oui, mais bon, les sols sont minéralisés, les routes sont construites, les stationnements sont asphaltés, donc on ne peut pas l'enlever. Donc comment on fait pour diminuer la quantité de pluie qui nous tombe sur la tête? D'autant plus que j'imagine que dans un contexte de changement climatique, il va peut-être y en avoir encore plus de ces pluies. Oui, ben c'est ça, c'est intéressant. En fait, ça laisse la place à plus de solutions innovantes. C'est que, en fait, c'est qu'on essaie de retourner au cycle de l'eau naturelle. Donc, le cycle de l'eau naturelle, quand on enlève les surfaces minéralisées, ben, il y a beaucoup d'eau qui s'infile dans le sol. Il y a aussi une partie de l'eau qui va être évaporée dans l'air par l'action des plantes, etc. Puis, il y a une petite quantité qui, elle, va ruisseler s'il y a une pluie importante qui va se transporter vers le cours d'eau. Donc, maintenant, on essaie de reproduire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, rajouter des solutions vertes dans les nouveaux quartiers ou même dans les quartiers qui sont en redéveloppement. Donc, essayer de, par exemple, faire un traitement par biorétention. La biorétention, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une dépression dans le sol qu'on va construire. Ensuite, en dessous, on va mettre un média filtrant très absorbant qui va permettre à l'eau de s'accumuler en surface, mais aussi sous terre. Mm-hmm. Puis, finalement, une partie de cette eau-là va même aussi s'infiltrer dans le sol initial, là, donc plus souterrain, plus profondément. Aller contaminer le réseau souterrain dont nous parlait M. Molson. Exactement. Et puis, en fait, aussi, c'est bon pour recharger les nappes. Ouais. Donc, sinon, cette eau-là n'aurait jamais atteint peut-être la nappe phréatique. Donc, on lui permet là, de s'infiltrer de ce côté-là. Puis aussi, ben, les plantes permettent une évaporation. Et finalement, ben, là, le surplus d'eau, lui, cette eau-là va être acheminée dans le réseau d'eau pluviale. Mm-hmm. Mais comme on peut l'imaginer, le volume va être beaucoup plus petit. Et en plus, la qualité de l'eau va être améliorée aussi. Mmh. Et le débit, donc, dans le fond, la quantité d'eau va être étalée dans le temps. Donc, ça crée moins d'érosion aussi à l'aval. Parce que quand on apporte l'eau dans un cours d'eau, c'est souvent déversé à un endroit particulier. Mais ce point de rejet-là va drainer peut-être une très grande surface. Donc, toute l'eau qui va sortir de ce tuyau-là va être très, très rapide, donc ça va créer de l'érosion si, justement, on n'a pas des mesures en amont là, pour essayer de ralentir cette eau-là. Donc, est-ce que pour dimensionner ces infrastructures, ces bassins de rétention, est-ce qu'on fait de la modélisation aussi, comme en parlait M. Molson, en fonction des quantités de pluie, en fonction de la quantité d'eau qui va nous tomber dessus, en fonction de l'espace de stationnement qu'on déverse dans ce bassin? Bien, en fait, ça dépend vraiment de chaque projet. Il y a des projets qui vont nécessiter la modélisation, surtout quand c'est un grand territoire, quand on développe, on veut aussi intégrer des solutions à un réseau existant. Donc, la modélisation va être vraiment de mise pour justement analyser plusieurs solutions, avoir vraiment une image plus réalistique de qu'est-ce qui va se passer selon différentes pluies. Mais des fois, si c'est pour des plus petits projets, il n'y aura pas nécessairement une modélisation. Mm-hmm. Par contre, évidemment, on va designer ces infrastructures-là, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir une information pour les designer. Cette information-là, bien, c'est la quantité de pluie et la caractérisation là, des surfaces qu'on veut gérer. Puis cette pluie-là, bien, comme vous dites, on évalue, on prend en compte les changements climatiques, on prend en compte différents facteurs pour justement essayer d'avoir une solution qui serait la plus performante pour atteindre un niveau de risque acceptable pour les citoyens, pour la municipalité. Est-ce que les toitures vertes s'inscrivent aussi dans ce genre de technologie pour réduire la quantité d'eau qui va aller finalement aux égouts? Oui, donc vraiment toutes les technologies qui favorisent l'infiltration ou qui ralentissent le débit ou qui favorisent une rétention temporaire de l'eau, c'est vraiment tous des solutions intéressantes. Donc, toiture verte, comme vous le dites, ça aussi, ça inclut les plantes, donc c'est intéressant parce que ça a des bénéfices transversaux comme réduire les îlots de chaleur et autres choses comme ça. Par contre, il ne faut pas se réduire seulement à ça. Il y a aussi les pavés perméables. Il n'y a pas de plantes impliquées, mais ça peut être des solutions très intéressantes. Des bassins d'orage qu'on voit souvent là, dans des parcs plus en périphérie des villes. Souvent, on inclut des bassins d'orage justement pour traiter de l'eau pluviale. Puis en même temps, bien, ces bassins-là peuvent avoir deux fonctions. Ça peut être un parc, on peut promener notre chien ou peu importe. Mais il y a aussi la double fonction de gérer l'eau pluviale. Puis peut-être juste un exemple qui est quand même intéressant, je trouve. En Chine, donc, qui, comme on le sait, c'est en plein développement. Et il y a beaucoup de nouvelles villes qui se construisent, mais toutes ces villes-là mettent de l'avant un concept qui s'appelle le Sponge City. Donc, le nom le dit, ville éponge. Donc, ça donne vraiment une idée de ce qu'on essaie de faire, c'est qu'au lieu d'avoir de l'eau qui tombe puis juste l'éloigner ailleurs, ben on veut l'absorber, on veut donc c'est vraiment le but d'imiter l'éponge. Donc il va avoir beaucoup de technologies super avancées. On parle de toits verts en Chine, mais on parle aussi de murs verticaux végétales. Donc c'est sûr, c'est pas toutes ces solutions là qu'on peut exporter vers le Québec, mais quand même ça donne un look intéressant pour les villes, puis en même temps c'est très développement durable. Et puis ce qui est important, c'est que le président est venu avec cette idée là, donc il a imposer ça aux villes. Donc, vous imaginez en Chine que quand ça va être plus impératif, ça se passe avec une vitesse incroyable. Et juste aussi, peut-être pour mentionner, c'est des exemples super intéressants, super motivants pour des gens comme nous qui faisons de la recherche. Mais en même temps, ça montre que justement au Québec, alors qu'on est, on a beaucoup de ressources, comme on disait au début de l'émission, mais moi ce que je remarque, c'est que autant il y a des municipalités qui sont super proactives, mais il y en a d'autres qui tirent un peu en arrière, puis qui, on dirait qu'ils n'osent pas nécessairement aller vers des designs comme ça, qui sont, non conventionnels. On est habitué à la bonne vieille conduite qu'on dimensionne selon certains critères. Donc, c'est important de mentionner ces exemples-là pour donner envie, justement, aux villes de se développer dans cette philosophie-là. Puis en plus, c'est tellement plus beau une ville verte, c'est plus intéressant, puis... Puis peut-être il y a juste des avantages, selon moi. Peut-être que sans aller jusqu'au toit vert ou au mur vert, on peut juste penser à la forêt urbaine, parce que les arbres sont capables de capter l'eau, de la retenir, de retarder le ruissellement dans le sol aussi. Et évaporer. Évaporer. Oui, puis tout le réseau racinaire, ça aide vraiment beaucoup l'infiltration. C'est vraiment important, donc... Je ne peux qu'encourager tout le monde. Moi, je vous encourage à poursuivre ces recherches et en termes de gouvernance, à encourager au gouvernement à verdir nos villes pour tous les bénéfices que ça peut nous apporter. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève Jean. Merci. Et il va être temps maintenant d'aborder les usages de l'eau après un tout petit pont musical.